À chaque fois qu'on stationne, c'est en dehors de la chaussée, sur l'accotement ou dans un lieu aménagé. On est donc hors circulation. Chaque fois qu'on veut quitter un stationnement, donc se glisser dans la circulation, il est absolument indispensable de contrôler les rétroviseurs et de se retourner vraiment pour bien saisir toute la circulation. Dans cette situation, j'attends que la voiture soit passée. Réponse B.